Je serre les cuisses sur ton prénom. Mais je le sais, par les fêlures de mon bassin, que l'automne se prend pour avril. La nuit m'enfonce, étroite et longue, dans la vallée aux sept noms. L'eau me quitte et le jour a crié, sans toi. Bleu ta bouche sur les cloches à midi. Je suis, toi dans le feu, mon enfant, ma toute petite.